Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Chapitre 14. Comment le Christ apparut dans une assemblée où saint François s'entretenait des choses de Dieu avec ses compagnons. Dans les commencements de son ordre, un jour que saint François se trouvait réuni avec ses compagnons pour s'entretenir des choses de Dieu, pressé par un mouvement de ferveur, il commande à l'un d'eux, au nom de Dieu, de parler du ciel et de dire ce que l'Esprit Saint lui inspirerait. Le frère obéit et se mit à parler avec une onction merveilleuse, mais bientôt le saint lui impose silence et ordonne à un second de parler à son tour. Celui-ci obéit également, et parla de Dieu avec une science admirable. Saint François l'arrête aussi et commande la même chose à un troisième qui se mit à parler avec tant de profondeur, que le saint eut bientôt la certitude de que, comme les autres, il était inspiré par l'Esprit Saint. Une apparition merveilleuse vint le confirmer dans cette pensée. Au milieu de l'entretien, on vit apparaître le Christ sous la forme d'un beau jeune homme, il bénit les frères, et les remplit tous d'une si grande abondance de grâce et de tant de douceur qu'ils en demeurèrent tout hors d'eux-mêmes, tombèrent comme morts, et devinrent entièrement insensibles à toute impression extérieure. Lorsqu'il fut revenu à lui, saint François dit à ses compagnons, « Ô mes bien-aimés frères, remerciez Dieu qui a daigné révéler les trésors de la divine sagesse par l'organe des simples, c'est lui qui ouvre la bouche aux muets et qui met la science sur les lèvres des ignorants. » Chapitre 15. Comment sainte Claire prit un repas à sainte Marie des Anges avec saint François et les frères ses compagnons. Note. Cette illustre fille était d'une noble et riche famille d'Assise. À l'âge de 18 ans, elle entendit un carême que prêchait saint François à sainte Marie des Anges, en l'an 1212, et elle se sentit si vivement touchée, que dès lors elle se détermina à renoncer au monde pour entrer en religion. Elle fut bientôt imitée par Agnès, sa sœur, qui, elle aussi, persévéra dans sa vocation, malgré les mauvais traitements qu'on lui fit endurer pour l'en détourner. Saint François établit les deux sœurs dans une maison, près de l'église de Saint-Damien, et lorsque plusieurs autres saintes filles se furent réunies à elle, il choisit sœur Claire pour leur abbesse. Cet ordre de sainte Claire, qui est le second de saint François, celui des frères mineurs était le premier, fut appelé l'ordre des pauvres dames, ou des pauvres sœurs, ou des Clarisses. Fin de la note. Dans le temps où saint François demeurait à Assise, sainte Claire avait souvent la consolation de le voir à son monastère et de recevoir ses pieux conseils. Elle désirait vivement prendre un repas avec lui, et plusieurs fois elle lui en avait fait la demande, mais il avait constamment refusé. Ses compagnons, qui connaissaient le désir de la sainte, lui dirent un jour, « Père, il nous semble que la rigueur dont vous usez envers sœur Claire n'est pas inspirée par la divine charité. Cette Vierge si sainte et si chérie de Dieu souhaite prendre un repas avec vous, et vous refusez de la satisfaire dans une chose de si peu d'importance. Vous oubliez donc que c'est à votre voix qu'elle a renoncé à toutes les richesses et à toutes les pompes du monde? À vous dire vrai, vous demanda-t-elle quelque faveur bien plus grande? Elle est votre fille spirituelle, et vous ne devriez pas la désobliger. Vous croyez donc, répondit le saint, que je dois me rendre à ses désirs? Oui, père, reprirent les frères, sœur Claire mérite que vous lui accordiez ce qu'elle vous demande. Eh bien, répliqua saint François, votre avis est le mien. Je consens, et, pour procurer à notre sœur une plus grande consolation, Je veux qu'elle vienne prendre ce repas à Sainte-Marie des Anges. Depuis longtemps déjà, elle est renfermée à Saint-Damien. Ce sera pour elle un bonheur de revoir ce couvent où elle a déposé les livrées du siècle pour se faire l'épouse de Jésus-Christ. C'est là que nous mangerons ensemble au nom de Dieu. Au jour convenu pour ce repas, Sainte Claire sortit de son monastère avec une de ses compagnes, et, conduite par quelques-uns des frères, elle se rendit à Sainte-Marie des Anges. Lorsqu'elle y fut arrivée, elle alla se prosterner au pied de l'autel devant lequel on lui avait coupé les cheveux et donné le voile, puis, en attendant l'heure du repas, on la conduisit visiter le couvent. Pendant ce temps-là, Saint François faisait tout préparer, et, suivant son usage, il voulut que les mets fussent posés à terre. Enfin, à l'heure indiquée, lui-même avec un de ses compagnons, et la sainte avec sa compagne, se rangèrent autour des mets qu'on avait disposés, et les autres frères prirent aussi humblement leur place. Au premier mets, le saint se mit à parler de Dieu avec tant de suavité, de profondeur et d'éloquence, que l'abondance divine descendant bientôt sur ceux qui l'écoutaient, tous se sentirent ravis en extase. Et il se tenait les mains et les yeux levés vers le ciel. En ce moment, les habitants d'Assise, de Bétone et des environs virent l'église de Sainte-Marie des Anges, tout le couvent et le bois tellement enflammés, que tout paraissait en proie à un immense incendie. Dès qu'ils aperçurent les flammes, les habitants d'Assise s'empressèrent d'accourir pour les éteindre. Mais arrivés près du couvent et se voyant trompés, ils entrèrent et trouvèrent Saint François, Sainte Claire et tous ceux qui les accompagnaient ravis en Dieu par la contemplation et assis autour de quelques pauvres mets. Ils comprirent alors que c'était un feu divin et non pas un feu matériel que Dieu avait fait apparaître miraculeusement, voulant signifier, par là, les flammes du divin amour dont étaient embrasées ces saintes âmes. Ils se retirèrent édifiés et le cœur rempli de consolation. Après une longue extase, Saint François, Sainte Claire et tous les autres convives vinrent à eux et se sentirent tellement rassasiés de la nourriture spirituelle qu'ils venaient de recevoir, qu'ils ne songèrent plus aux mets grossiers qu'on avait disposés. Ainsi se termina ce repas béni, et Saint Claire, suivi de sa compagne, reprit le chemin de son monastère. En la voyant de retour, ses sœurs furent remplies de joie, car elles craignaient que Saint François ne l'eût envoyé diriger quelque autre maison, comme il avait déjà fait pour Agnès, sa sœur, qu'il avait envoyée comme abbesse au monastère de Monticelli de Florence. Aussi bien, elle se rappelait que plusieurs fois déjà le saint avait dit à Sainte Claire, « Tenez-vous toujours prête, car il pourrait se faire que vous fussiez envoyée dans un autre couvent, si cela était nécessaire. » Et la sainte, comme une véritable fille de la stricte obéissance, avait répondu, « Père, vous me trouverez toujours disposée à me rendre partout où il vous plaira. » Les sœurs furent donc bien heureuses de revoir leur mère, qui, depuis le divin banquet d'où elle sortait, se sentit désormais toute remplie de consolation. Chapitre 16. Comment Saint François apprit de Sainte Claire et du Saint Frère Sylvestre qu'il devait convertir les peuples par la prédication, comment il établit son troisième ordre, comment il prêcha les oiseaux, et comment les hirondelles se turent à sa voix. Peu de temps après sa conversion, alors qu'il avait déjà rassemblé plusieurs compagnons, l'humble serviteur du Christ, Saint François se sentit arrêté par la pensée de la destination qu'il devait donner à son ordre. Ses frères devaient-ils s'appliquer uniquement à la prière, Ou bien travaillerait-il quelquefois au ministère de la prédication? Dans ce doute, il désirait vivement connaître la volonté de Dieu à ce sujet, mais, comme sa sainte humilité ne le laissait présumer ni de lui-même, ni de ses prières, il voulut employer celle des autres pour découvrir cette volonté divine. Il appelle donc frère Massé, et lui dit, « Allez trouver sœur Claire, dites-lui, de ma part, de s'unir à quelques-unes de ses compagnes les plus pieuses, et de prier Dieu de me faire connaître le parti que je dois prendre, si je dois destiner mes frères à la prédication, ou seulement à la prière. Puis, vous vous adresserez ensuite à frère Sylvestre et vous lui ferez la même demande. » Ce frère Sylvestre était celui qui, lorsqu'il était encore séculier, avait vu sortir de la bouche de Saint François une croix d'or, dont la partie supérieure s'élevait jusqu'au ciel et dont les bras s'étendaient jusqu'aux extrémités du monde. Depuis son entrée en religion, il avait fait de si merveilleux progrès dans la sainteté et dans la dévotion, qu'il obtenait de la divine bonté toutes les faveurs qu'il lui demandait, et que souvent même il lui était donné de s'entretenir avec Dieu. Aussi Saint François avait pour lui une grande vénération. Frère Massé partit donc, suivant l'ordre du Père, et s'acquitta de la commission dont il était chargé, d'abord près de Saint-Clair, puis près de frère Sylvestre. Celui-ci, dès qu'il connut les intentions du saint, se mit en prière, et, après avoir reçu de Dieu la réponse qu'il demandait, il alla trouver frère Massé, et il lui dit « Annoncez à frère François, de la part de Dieu, que ce n'est pas seulement pour sa propre sanctification qu'il est appelé au genre de vie qu'il a embrassé, il faut encore qu'il travaille au salut des autres. » Alors frère Massé retourna vers Sainte-Claire pour savoir ce qui lui avait été révélé, et la sainte lui répondit qu'elle et ses compagnes avaient reçu de Dieu la même réponse que frère Sylvestre. Il retourna donc vers saint François, qui le reçut avec une grande charité, lui lavant les pieds, et lui préparant lui-même son repas. Puis, quand le frère eut mangé, il l'appela dans le bois, et là, se jetant à ses pieds, il baissa son capuchon, étendit les bras en croix et lui demanda, « Que veut de moi mon Seigneur Jésus-Christ ?»« Voici, répondit frère Massé, ce que le Christ a révélé à frère Sylvestre, à sœur Claire et à ses compagnes. Sa volonté est que vous alliez prêcher par le monde, car il ne vous a pas choisi seulement pour votre propre sanctification, mais aussi pour le salut de vos frères. » À cette réponse, instruit de la volonté d'en haut, le saint s'écria, « Allons donc, au nom de Dieu !» Et aussitôt il choisit pour compagnon frère Massé et frère Ange de Rieti, tous deux remplis de sainteté, et partant dans un saint enthousiasme, et sans faire attention au chemin qu'ils prenaient, les fervents missionnaires arrivèrent à un château, appelé le château Savurniano, où saint François se mit aussitôt à prêcher. Des hirondelles gazouillaient alors autour de lui, il leur ordonna de se tenir en silence jusqu'à la fin de sa prédication, et les hirondelles obéirent. Alors il prêcha si merveilleusement, que les gens du château, entraînés par sa parole, voulaient aussitôt tout quitter et le suivre, mais il les en dissuada en leur disant, « Ne précipitez rien, restez, je vous promets de vous faire connaître ce que vous avez à faire pour le salut de vos âmes. » Ce fut à cette occasion qu'il projeta l'établissement du tiers-ordre, pour la sanctification de tous. Il prit congé des gens du château, qu'il laissa plein de consolation et tout disposé à la pénitence, et il se rendit dans un pays situé entre Canéo et Bévania. Il cheminait ainsi plein de ferveur, quand, levant les yeux, il vit, près de la route, des arbres sur lesquels se trouvait une multitude d'oiseaux. Cette vue le remplit d'admiration, et aussitôt il dit à ses compagnons, « Attendez-moi ici, car il faut que j'aille prêcher les oiseaux, mes petits frères. » Et, se dirigeant vers l'endroit où ils étaient posés, il se mit à prêcher ceux qui se trouvaient à terre. À sa voix, les autres, qui étaient encore sur les arbres, vinrent se réunir autour de lui et se tinrent immobiles durant tout le temps de sa prédication. Il avait même cessé de parler, qu'ils demeuraient encore, et ils ne se dispersèrent qu'après avoir reçu la bénédiction de leur prédicateur. Frère Massé disait à frère Jacques de la Massa que saint François se promenait parmi ces oiseaux, qu'il les caressait avec sa robe, et qu'aucun d'eux ne s'envolait. Or, voici à peu près quelles furent les paroles de saint François en cette circonstance. « Chers oiseaux, mes petits frères, vous devez à votre Créateur une bien grande reconnaissance, oui, partout et toujours vous devez lui rendre louange. C'est à lui que vous devez la liberté de voler où il vous plaît, c'est lui qui vous a revêtu d'un double et triple vêtement, c'est lui qui, dans l'arche de Noé, a réservé quelques-uns des vôtres pour conserver votre race. C'est à lui que vous devez l'air que vous respirez. Et puis, voyez encore, vous ne semez pas, vous ne moissonnez pas, c'est Dieu qui vous nourrit, c'est lui qui vous donne les rivières et les fontaines pour y étancher votre soif. C'est à lui que vous devez les montagnes et les vallées où vous vous retirez, et les arbres où vous posez vos nids. Vous ne savez ni filer, ni coudre, et c'est encore Dieu qui vous donne le vêtement à vous et à vos petits. Votre Créateur vous aime donc beaucoup, puisqu'il vous comble de tant de bienfaits. Gardez-vous, mes petits frères, de vous montrer ingrats envers lui, appliquez-vous, au contraire, à lui rendre le tribut constant de vos louanges. » Au moment où le saint parlait ainsi, les oiseaux commencèrent à ouvrir le bec, allongèrent le cou, étendirent leurs petites ailes et inclinèrent respectueusement la tête jusqu'à terre, montrant ainsi, par toute leur attitude et le gazouillement qu'ils faisaient entendre, l'extrême plaisir que leur procuraient les paroles de leur prédicateur. Saint François, lui aussi, tressaillait de joie et s'émerveillait à la vue d'une si grande multitude d'oiseaux, de leur belle variété et de l'attention qu'il prêtait à ce qu'il leur disait, et dans son ravissement, il s'épanchait en louange devant son Créateur. Enfin, sa prédication terminée, il congédia les oiseaux, en faisant sur eux le signe de la croix, et aussitôt ils s'élevèrent dans les airs en faisant retentir des chants merveilleux. Puis, selon la direction de la croix formée sur eux par le saint, ils se divisèrent en quatre parties, s'envolant les uns vers l'Orient, d'autres vers l'Occident, d'autres vers le Midi et d'autres enfin vers le Nord. Ce prodige avait sa signification mystérieuse, de même que saint François, ce gonfalonier du Christ, avait prêché les oiseaux et fait sur eux le signe de la croix dans la direction des quatre parties du monde vers lesquelles ils s'étaient dirigés. De même aussi, la prédication de la croix du Sauveur devait être renouvelée dans tout le monde par son ministère et par celui de ses frères qui, semblables aux oiseaux, ne possèdent rien et abandonnent à la seule providence de Dieu tout le soin de leur existence. Note. Saint Bonaventure raconte qu'un écolier de Paris, qui était de bonne mœurs, se trouvant interrompu dans son étude par le gazouillement d'une hirondelle, dit à ses compagnons. En voici une de celles qui interrompaient le bienheureux François dans son sermon et qu'il fit taire. Et saint Bonaventure ajoute qu'ayant dit à l'hirondelle avec une grande foi, « Au nom de François, serviteur de Dieu, je te commande de te taire et de venir à moi », elle se tut aussitôt et vint à lui. L'écolier en demeura tellement surpris qu'il la lâcha, et n'en fut plus importuné. À propos du tiers-ordre, cet ordre fut nommé l'ordre des tiercères, ou des frères de la pénitence. Tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe pouvaient en faire partie, même dans l'état du mariage. On les reconnaissait à leur habit couleur de cendre et à la corde à plusieurs nœuds qui leur servaient de ceinture. Saint François établit cet ordre à Poggibonsi en 1221, et non pas au bourg de Camerio, comme le dit le père Elliot dans son Histoire des ordres religieux. Quelques-uns ont cru que la règle du tiers-ordre avait été composée par le pape Nicolas IV, mais Wadding prouve clairement que saint François en est l'auteur, et saint Bonaventure le marque assez dans sa légende. Nicolas ne fit que la modifier un peu. Chapitre 17. Comment un jeune frère vit le Christ, la Vierge Marie et plusieurs saints s'entretenir avec saint François, pendant une nuit où ce bienheureux était en prière. Un jeune enfant, encore innocent et pur, fut reçu dans l'ordre du vivant de saint François. Il demeurait dans un petit couvent où les frères vivaient dans un si grand dénuement, qu'ils n'avaient pour prendre leur sommeil que de simples planches. Un jour que saint François se trouvait à ce couvent, il alla se reposer après compli, afin de pouvoir, selon son habitude, se lever la nuit et vaquer à la prière, pendant que les frères dormiraient. Désirant s'édifier de la sainteté du Père, et curieux de savoir ce qu'il faisait pendant la nuit quand il se levait, le jeune frère voulut profiter de l'occasion pour observer toutes ses démarches, afin donc de pouvoir se réveiller quand il en serait temps, et d'être averti du moment où le saint se lèverait. Il alla se coucher tout près de lui, lia sa corde avec la sienne, et tout cela sans que l'on s'aperçût de rien. Cependant, dès que saint François voit les frères endormis, il se lève au commencement de la nuit, et sentant que sa corde était liée, il la dénoue doucement pour ne pas troubler le sommeil du jeune frère, puis il part dans le bois, entre dans une pauvre cellule et se met en prière. Quelques moments après, le frère se réveille, sentant sa corde dénouée et voyant que le saint était parti, il se lève sur le champ, court à sa recherche, et trouvant que la porte qui donnait sur le bois était ouverte, il comprend que c'est là que saint François s'est retiré, et il s'y dirige lui-même. Arrivé près de l'endroit où priait le saint, il entend le bruit de plusieurs voix qui s'entretiennent, il écoute, regarde, et il voit une lumière étincelante qui environne saint François, et, au milieu de cette lumière, il aperçoit le Christ, la Vierge Marie, saint Jean-Baptiste, saint Jean l'Évangéliste et une multitude d'anges qui s'entretenaient avec lui. À cette vue, et au bruit de cette mystérieuse conversation, il tombe évanoui. Cependant, lorsque la vision céleste eut disparu, le saint, en retournant au couvent, alla heurter du pied contre le corps du jeune frère. Touché de compassion, il le relève et le prend dans ses bras comme un bon pasteur ferait pour sa chère petite brebis. Puis, apprenant ensuite qu'il avait été témoin de la vision miraculeuse, il lui défendit d'en parler jamais à personne tant qu'il vivrait. Dès lors, le jeune frère fit de rapides progrès dans la grâce de Dieu, sa vénération pour saint François s'accrut encore davantage, et il devint un des fervents religieux de son ordre.